Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radioactive et c'est l'heure du MAG, votre rendez-vous avec l'actualité locale. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du Muséum d'Histoire Naturelle de Tours, où une nouvelle exposition captivante vient d'ouvrir ses portes. Intitulée « Au fil de l'eau », cette exposition nous plonge dans l'univers fascinant des rivières, des étangs et des marais de la région. Au travers de magnifiques reconstitutions de ces milieux aquatiques, on y découvre la richesse et la diversité de la faune et de la flore qui peuplent nos cours d'eau. Pour nous guider à travers cette immersion dans le patrimoine aquatique local, nous avons eu la chance d'être accompagnés par Arnaud Leroy, commissaire de l'exposition. Arnaud nous a fait découvrir les secrets de cette présentation unique, dont l'enjeu est certes éducatif, mais aussi de susciter une prise de conscience du public des enjeux liés à la préservation de ces écosystèmes précieux. Arnaud Leroy, commissaire de l'expo Au fil de l'eau, qui est actuellement visible au Muséum d'Histoire Naturelle de Tours. Jusqu'au 21 septembre 2025, nous accueille aujourd'hui. J'ai eu le privilège d'avoir une visite avec vous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, avant de parler plus précisément de cette expo, en quoi ça consiste d'être commissaire d'une exposition ? Alors, ça consiste à créer l'exposition, choisir le thème et puis concevoir de A à Z. Alors, chez nous, de A à Z, l'exposition, effectivement, parce qu'on n'est pas très nombreux. Voilà. Savoir le thème, le parcours scientifique, la recherche des éléments, la création des différents panneaux. Enfin, c'est énormément de travail. On imagine, et quelle a été votre formation, votre parcours, puisque vous avez une connaissance aiguisée de toute la biodiversité, j'ai pu le constater lors de cette visite. Alors moi, je suis biologiste de formation. Ceci expliquant cela. Alors cette expo, elle nous permet de découvrir la faune aquatique locale de Touraine. Déjà, comment ça se décide une thématique d'exposition ? Alors, par aussi un attrait, hein. Il y a des fois des thèmes qu'on a à cœur et qu'on voudrait essayer de pouvoir exposer. Et puis là, ici, on avait fait une recherche avec la faculté, hein. Le muséum a participé à une recherche qui est sur les polluants, sur les invertébrés aquatiques. Et donc, je me suis dit, voilà, on va pouvoir montrer les résultats de cette recherche, mais on va l'élargir à tout le monde aquatique de la Touraine. Et puis, il y a eu beaucoup de gens aussi qui nous demandaient ce qu'ils pouvaient voir dans la région quand ils sont sur les différents ponts, ils voient des animaux, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de leur expliquer tout ça. La précédente exposition, elle nous emmenait sur les terres australes, donc là on revient vraiment dans notre patrimoine ligérien. Ah oui, là on change, là c'est un peu plus près de chez nous, hein. C'est vraiment à nos portes, et puis on a aussi une faune et une flore qui est complètement différente. Alors, qu'est-ce qu'on découvre sur cette exposition ? Alors, on va découvrir les différents milieux aquatiques. Donc, les prairies humides, hein, les zones humides, la mare, les étangs, et puis après, tous les milieux aquatiques qui sont courants, d'eau courante, qui sont les ruisseaux, les rivières et les fleuves. Et bien sûr, ici, on a mis en exergue la Loire. Et puis après, eh bien, dans ces différents milieux, vous avez une reconstitution un petit peu avec de l'eau qui court, hein, on l'entend là, qui fait du bruit, et puis vous avez des poissons, hein, qui peuplent, hein, vivants. Et puis après, vous aurez aussi pas mal d'animaux, donc des moulages et des animaux naturalisés qu'on va montrer, voilà, qui existent sur ces milieux. Voilà, donc différents pôles, des aquariums vivants, des ateliers pour enfants qui peuvent manipuler des microscopes d'ailleurs. Oui, alors doucement, hein, tout doucement, voilà, parce que c'est hyper fragile, mais effectivement, on a tout un pôle, donc un laboratoire qui a été reconstitué où les enfants peuvent manipuler des microscopes pour voir les petites bêtes aquatiques et puis des loupes binoculaires, voilà, des moulages, ils ont plein de choses ludiques à voir, plein de petits cartels à soulever pour pouvoir donc découvrir tout ce milieu. Il y a des partenaires qui vous ont aidé à la réalisation de cette exposition. On évoquait tout à l'heure évidemment l'aquarium de Touraine, mais il y en a d'autres également. Oui, alors l'aquarium de Touraine, hein, qui nous a bien aidé pour tout ce qui est la partie vivante, hein. Donc les poissons font partie de l'aquarium de Touraine. On a un partenariat aussi avec l'OFB, hein, la police de l'environnement, hein, qui nous a aussi aidé. La FCPN, Savi 37, qui fait les réaménagements notamment de la vallée de l'Indre, réaménagement des cours d'eau, qui nous ont aidés. Donc je tiens forcément à remercier tous ces partenaires qui ont permis que cette exposition soit réalisé. Alors, ce qui est fabuleux, c'est la gratuité d'accès au Muséum d'Histoire Naturelle. Ça, je ne suis pas sûre que tous nos auditeurs le savent, mais jusqu'à 25 ans, je crois, 26, on peut venir visiter gratuitement. C'est ça, tout à fait. Jusqu'à 26 ans, on peut visiter gratuitement. Les demandeurs d'emploi aussi, c'est gratuit. Enfin, on a plein de choses. Et puis après, l'entrée n'est pas très chère non plus, donc pour ceux qui payent. Non, c'est vrai, c'est tout à fait accessible. On peut venir quand ? Quels sont les horaires et quels sont les tarifs quand on a plus de 26 ans ? Alors, on peut venir le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Même le dimanche. Donc, on est ouvert donc de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Notre seul jour de fermeture, c'est le lundi. Et l'entrée est de 4,50 €. et en demi-tarif. Alors en ce moment, on est demi-tarif parce que le vivarium n'est pas encore ouvert. Il sera ouvert normalement prévu avant la fin de l'année. Et donc, en ce moment, c'est demi-tarif, donc 2,30 €. Donc, vous voyez, c'est peu. On compte sur vous pour nous faire signe à la réouverture, qu'on puisse le communiquer à tous nos auditeurs. Et est-ce qu'on bénéficie d'une visite guidée ou bien d'une visite flash ? Alors, il y a des visites flash qui sont organisées, notamment le mardi matin, le mardi après-midi et également le vendredi. Donc, vous allez voir sur notre site, les horaires sont indiqués. Et il y aura également des visites avec nos médiateurs qui seront organisées en fonction des différents âges des personnes ou des enfants ou des écoles. Donc voilà, allez sur notre site, tout sera indiqué pour que vous puissiez permettre d'avoir ces visites. Voilà, puis je vous le recommande parce que ça donne une autre dimension, un autre regard sur la visite lorsqu'on est accompagné, bien évidemment. Alors, pour tous les auditeurs qui viendront, et notamment avec des enfants, évitons la tentation de toucher à toutes ces belles choses qui sont relativement accessibles. Oui, alors ça, c'est un peu ma crainte. Effectivement, vous allez voir que les animaux naturalisés sont vraiment accessibles. Alors, je n'ai pas voulu mettre de verre pour que ce soit plus approprié, mais bon, voilà, la tentation peut être de toucher. Donc, surtout, ne rien toucher, ne rien jeter dans l'eau. Enfin, voilà, être relativement prudent, ça serait super pour que l'exposition puisse durer le plus longtemps possible. Rappelons combien de temps ça vous a pris d'installer tout ça ? Alors, l'installation elle-même, c'est plus d'un mois et demi, hein, et la création, plus d'un an, hein. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Donc voilà. En tout cas, félicitations parce que c'est absolument magnifique et on est en totale immersion dans ces milieux aquatiques de Touraine. Donc je recommande à nos auditeurs de venir découvrir cette expo. Merci beaucoup Arnaud pour votre accueil et pour cette visite. C'est moi et j'espère que vous reviendrez la voir. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. L'exposition Au fil de l'eau est visible depuis quelques jours et restera en place jusqu'au mois de septembre 2025 au Muséum d'Histoire Naturelle de Tours. À travers des installations interactives, des aquariums et des reconstitutions de milieux aquatiques, vous rencontrerez une multitude d'espèces animales, des poissons aux amphibiens, en passant par les oiseaux et les mammifères aquatiques, à découvrir absolument pour les petits et les grands. C'est la fin de ce mag, bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.